Guillaume de Poitiers, Guillems de Peitius. Poste chantar mes prestalens. Poste chantar mes prestalens fara inverse, ton sudulens. Mais nous serai obédiens, empeitau, dien le musi. Quera meneira en Isil, en gran paur, en gran perill, en guerra laissera mon fill, et faran li mal, si ei vesi. Le départir mes aïtan grieus et le seigneurage de Peitius. En garde l'aïs fulcu d'angeus, toute la terre est son cousi. Si fulcus d'angeus nul succur, et le reis de cui eu tenc monur, faran li mal tut li plusur, fait l'un gascou et angevi. Si ben nous ne savis ni prus, quand eu serai partis de vous, viats, l'auran tournat en jus, car lo veiran juve e meschi. Merci chiera, mon compagnou, sanc li fi tort qu'il m'ho perdun, et iau prequen Jésus del trun, et en romans et en lati. De pruesa et de gioi fui, mas ars partem ambedui, et avirai menace lui un tuit pecadur trovan fi. Molta y est stat coin de segais, mas notre segne nul vol mais. Ar nu pies plus souffrir lu fais, tant sui approuchats de la fi. Tot ai gerpit quant a Marsuel, cavalleria et turguel, et pos dieu plats, tutu aquel, et prec licem reteng apse. Tout mus amics, prec a la mort, que vegan tut et moren fort, qui eu aia vut gioi et deport, l'ugne et press et mon aisi. Aisi gerpisc, joy et deport, et vair et gris et sembeli.